La vie me mène en bateau, je peux pas dormir. J'ai tellement de problèmes, je peux pas sortir. Ouais, photo ici, c'est dur pour s'en sortir. Avec ce qui se passe dans le monde, on s'attend au pire. Je rêve des traites par là. Je vais faire une trêve, je traîne trop par là. Derrière mon sourire se cache des balafres. Derrière moi, je t'aime peu, se cacher une calache. Je sais plus, ami ou ennemi. Là où je traîne, personne n'a la belle vie. Tout le monde a du vice. Même sans les plus petits que toi, t'appelles mon fils. Comment ça va se finir? Je sais pas. Le malheur me berce, je suis dans ses bras. On m'a dit, c'est gaffe, ne sois pas sur tes gars. Laisse finir riche, on verra. Quand demain je meurs, tu me galles ou d'une tumeur. Si je fais des cauchemars, je me laisse mauvaise humeur. J'ai les yeux défoncés, le cœur bat vite buller. Je trahis la Honda d'après la rumeur. Dis-moi mon poteau, dis-moi si t'as pas fumé. Dis-moi si tu rentres, qui va t'assumer. Ferme ta gueule, tu me dégoûtes, il serait du plantionné. Si tu vois tes potos, pas bien rassuré. La vie me mène en bateau, je peux pas dormir. J'ai tellement de problèmes, je peux pas sortir. Ouais, poteau, ici c'est dur pour s'en sortir. Avec ce qui se passe dans le monde, on s'attend au pire. Je rêve des traites par là, je vais faire une trêve, je traîne trop par là. Derrière mon sourire se cache des balafres. Derrière moi je t'aime peu, se cacher une calache. Si tu vas mourir, si tu vas me tuer. Si tu vas souffrir, si tu m'as dit. J'ai pris une lunette pour me chercher, oui tu vas tuer. Je bois une jack mais pour évacuer. Tous les jours j'ai que c'est le 14 juillet. Si tu touches le cousin tu vas l'essuyer. C'est pas pour rien que je suis tout le temps tillé. Je reste le même si on me dit plier. J'oublie tout, je vis mais j'oublie pas d'où je viens. Quand je parle c'est vrai, quand je fais une promesse ça tient. T'as volé mais c'est toujours la chienté. Moi j'écris en moi, je roule en monstre, vitre teinté. J'ai tourné le pédou si elle est bonne cette herbe. J'ai fait du buzz mais il est pas moi le golf cette herbe. Moi c'est Joe, tu me connais, je reste le même sincère. Toujours le survêt, les têtes cramées pour l'air. La vie me mène en bateau, je peux pas dormir. J'ai tellement de problèmes, je peux pas sortir. Ouais, photo ici c'est dur pour s'en sortir. Avec ce qui se passe dans le monde, on s'attend au pire. Je rêve des traites par là, je vais faire une trêve, je traîne trop par là. Derrière mon sourire se cache des balafres. Derrière moi je t'aime peu, se cacher une calache. Passe ma route, j'évite les problèmes. Tu vois gentil mais j'ai trop la haine. Passe ma route, j'évite les problèmes. Tu vois gentil mais j'ai trop la haine. L'argent voilà où ça mène. Nos beaux métal, vie nos pontés ou à peine. J'évite les problèmes. J'ai trop la haine. L'argent voilà où ça mène. Nos beaux métal, lui, nos pensées ou